Lorsque nous pénétrâmes dans la salle à manger, nous y trouvâmes les deux autres filles du général Yepanchine, Adélaïde et Aglaé. Elles me saluèrent d'une inclinaison de tête. Asseyez-vous là, prince, en face de moi, pour que je puisse vous voir. Est-ce qu'on vous noue votre serviette à table ? Dans le temps, lorsque j'avais 6 ou 7 ans, maintenant j'ai pris l'habitude de mettre ma serviette sur mes genoux. Vous avez raison, c'est ainsi qu'on doit faire. Et ces accès, prince ? Les accès ? Ah, ils sont devenus plus rares, Elisabeth Prokofievna. Cependant, le médecin suisse m'a mis en garde. Il craint pour moi le dur climat de la Russie. Alexandra, Adélaïde, Aglaé, ne trouvez-vous pas que le prince n'est pas aussi... enfin, aussi bizarre que votre père l'a prétendu ? Enfin, il mange proprement et il parle avec beaucoup de bon sens. Pourquoi riez-vous, insolente ? J'espère que ce n'est pas le prince qui est l'objet de vos moqueries. Oh non, maman, ce sont plutôt vos remarques qui nous amusent. Je préfère cela. À propos, dites-moi, prince, comment avez-vous trouvé la Suisse ? Il m'est difficile de vous répondre. Je me souviens d'avoir été triste au possible. Je ne faisais que m'inquiéter et m'étonner. Ce qui me frappait le plus, c'était d'être soudain l'étranger. Mon arrivée en Suisse coïncidait avec l'aggravation de ma maladie. Je tombais souvent dans une prostration complète. Je perdais alors toute mémoire. Je ne savais même plus qui j'étais. La crise passée, je me retrouvais. Mais dois-je poursuivre ? J'ai peur de vous ennuyer. Oh, mais nullement ! Cela nous intéresse beaucoup, n'est-ce pas, mes chéris ? Oui, maman. Continuez, prince. Ce que vous dites est passionnant. Non, passionnant, c'est le mot. La crise passée, je me retrouvais. Mais pendant longtemps, j'étais incapable d'enchaîner 2 ou 3 idées. Tenez, je me rappelle m'être aventuré un soir dans les rues de Bâle. Je venais justement de sortir d'une crise. Tout à coup, j'ai vu un âne. Et cet âne m'a fait beaucoup de bien. Tout est devenu plus clair dans ma tête. Un âne ? C'est étrange. Oui, depuis ce temps, j'aime beaucoup les ânes. Oh, mais pourquoi arrives-tu encore, Adélaïde ? Et toi, Aglaé ? Mais cela s'est vu dans la mythologie. Enfin, mais laissons là votre âne, prince, et changeons de sujet. Dites-moi, pensiez-vous parfois à votre avenir ? Précisément, lors de mon séjour en Suisse, j'y ai plusieurs fois songé. Vous savez, en Suisse, dans mon village, je m'isolais au milieu des vieux sapins. Parfois, je montais au sommet d'une montagne. C'est alors que je me sentais attiré vers ailleurs. Il me semblait que si je pouvais avancer tout droit, marcher très longtemps jusqu'à atteindre cette ligne où le ciel touche la terre, j'y trouverais aussitôt la clé de l'énigme. Quelle énigme, prince ? Je rêvais d'une vie ample, riche et surtout libre. Et je me disais que même en prison, je pourrais me faire une vie semblable. J'ai trouvé cette belle idée dans ma chrestomatie lorsque j'avais à peine 12 ans. Aglaé, rentre tes ongles. Tu les essaieras sur quelqu'un d'autre. Mais tout cela est de la philosophie, prince. Vous êtes un philosophe, sans aucun doute. Oui, effectivement, je dois l'être un peu. Oh, vous l'êtes, prince. C'est dommage seulement que votre philosophie soit faite de lieux communs. Ah, vous croyez ? Oh, je me le dis souvent moi-même. Oh, ne l'écoutez pas, prince. Au fond, Aglaé est bonne, vous savez. C'est peut-être pour cela que lorsqu'elle se trouve en présence de quelqu'un qui l'égale ou la surpasse en bonté, elle s'insurge et l'attaque. Oh oui, je comprends très bien, mademoiselle Aglaé. Et je ne lui en veux nullement. Vraiment, prince ? Vous ne m'en voulez pas ? Alors faites-moi le plaisir de nous parler de vous, de votre adolescence, de vos premières rencontres avec des jeunes filles. Quoi qu'il m'arrive d'entretenir les gens de mes soucis ou de mes espoirs, je n'aime pas parler de moi, mademoiselle Aglaé. J'ai honte. Comme si je me déshabillais sous les yeux des autres. Comme si vous vous déshabilliez sous les yeux des autres. C'est exactement ce que je ressens lorsque je me laisse aller aux confidences, prince. Alors ne dites rien. Les demoiselles Yepanchine étaient toutes les trois belles, gracieuses et charmantes. Mais Aglaé, la cadette, avait de plus un esprit vif et un caractère décidé. Elle avait aussi une manière bien à elle de vous regarder, comme si elle cherchait quelque chose en vous. Ses yeux verts sombres étaient largement ouverts et fixes, mais il n'y avait pas de dureté en eux. À la longue, on y apercevait même une sorte de douceur mêlée de tristesse. Je répétais machinalement. Oh non, non, je n'aime pas parler de moi. Mais je peux vous parler des hommes, mademoiselle Aglaé. D'un homme, par exemple, que j'ai rencontré l'année dernière. Il lui était arrivé, comment dirais-je, quelque chose d'insolite. Quelque chose d'insolite, prince ? Oh, c'est si rare de nos jours. Parlez-nous de cet homme, alors. Cet homme avait été condamné avec plusieurs autres à être fusillé pour je ne sais plus quel délit politique. Mais au tout dernier moment, il fut gracié. Le jour de l'exécution, on leur fit endosser de bonne heure les vêtements des condamnés à mort. Vous savez, de longues blouses blanches. On les coiffa ensuite de bonnets blancs qui descendaient sur leurs yeux pour qu'ils ne visent pas les fusils. Mais en cours de route, on dut relever un peu les bonnets car les condamnés trébuchaient et rompaient l'alignement. Oh, quelle horreur! Oh, prince, ne pouvez-vous pas nous raconter quelque chose de plus gai? Maman, n'interrompez pas le prince, je vous en prie. Continuez, prince. Et on les amena sur le lieu d'exécution. Un détachement composé de quelques soldats était rangé en face de chaque poteau. L'homme dont je vous parle se trouvait le huitième dans la file. Il devait donc être fusillé au troisième tour. Le prêtre passa devant les condamnés, leur donnant la croix à baiser et proférant quelques mots inintelligibles. Quand ce fut fait, on se rappela que leur bonnet était relevé. On voulut un moment les laisser ainsi, mais un officier soucieux du règlement s'y opposa. Alors on appela les geôliers pour qu'ils rabaissent les bonnets des condamnés. Ah, cela suffit, prince. Ce récit cruel n'est pas fait pour être entendu par des jeunes filles bonnes et sensibles. Si la réalité vous offusque ou vous peine, abandonnez la pièce pour quelques minutes, maman. Les jeunes filles bonnes et sensibles sont avides de connaître la fin de cette histoire, si horrible, si répugnante soit-elle. Prince, je vous demande de poursuivre. Oui, je vous obéis, mademoiselle Aglaé. Notre homme m'a confié que les 5 minutes qui lui restaient à vivre, ce n'est qu'une fois mis devant le poteau qu'on lui signifia sa grâce. Il lui avait paru une éternité. Tellement elles étaient pleines, riches. Moi, il me semble que si j'avais été à la place de votre homme, j'aurais trouvé ce délai de 5 minutes d'une affreuse pauvreté et tout rempli d'angoisse. Ces 5 minutes auraient pu te paraître d'une pauvreté désolante à toi, Alexandra, parce que tu es un être équilibré, normal. Ce n'était certainement pas le cas de l'homme en question. La prison et l'attente de la peine capitale l'avaient bouleversé à tel point qu'il ne se sentait plus lui-même. N'est-ce pas, prince? Oui, c'est cela. Il se disait, oh, si je ne devais pas mourir, si l'on pouvait me laisser en vie, tout serait à moi. Je convertirais chaque instant en un siècle, je n'en perdrais pas un seul. Mais l'attente de la mort avait provoqué en lui aussi une telle révolte qu'il ne demandait qu'une chose, qu'on le fusillât le plus rapidement possible. Vous entendez? Mais quoi, prince? Les coups de fusil. Vous moquez de nous, prince. Vous êtes un mystificateur. Oh oui, sans doute. Mais je me mystifie moi-même en premier lieu. Mais qu'avez-vous, prince? Vous êtes devenu tout pâle et vous tremblez. Ce que j'avais, c'était que le spectre de mon mal se dressait tout à coup à mon côté, prêt à me happer sournoisement à la première défaillance. Je me voyais déjà terrassé par lui au milieu de la salle à manger des Yeponchines. De loin, à mes oreilles, parvenait toujours le bruit des coups de fusil, audible de moi seul. Je rassemblais toutes mes forces. Et tirant de ma poche ma fiole de médicaments, j'en bus une gorgée devant les yeux stupéfaits de la générale Yeponchine et de ses filles. On me demanda de nouveau, « Vous ne vous sentez pas bien ?» Je répondis, « Si, si. » Et je me cramponnais des deux mains à la table. C'est alors que... C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, Ginette Taffin, André Florence, Denise Costanzo et Gabi Morlaix. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.